Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le Comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie, le Comité central du Parti chandoïste Chongwu ont publié le 23 courant un faire-part de décès de Mme Du Myon. Voici le résumé. Mme Du, membre du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, députée à l'Assemblée populaire suprême et présidente du comité central du Parti chandoïste Chongwu, est décédée à notre grand regret à 2h10 du 23 novembre de l'an 105 du JT 2016, à l'âge de 95 ans, par le cancer du poumon. Elle est femme politique et patriotique qui a contribué pour la prospérité de la nation et la réunification indépendante de la patrie en soutenant le noble idéal patriotique du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, le Comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie et le Comité central du Parti chandoïste Chongwu ont constitué le comité funèbre de feu Madame Du ayant pour président Yang Hyung-sop. Le comité a annoncé que sa dépouille est conservée à la maison de Sozan de l'arrondissement de Patonggang de la ville de Pyongyang, que l'on accueillera du 10h à 19h du 24 novembre des visiteurs et que le cercueil partira pour le cimetière à 8h du 25 novembre.